Je peux rouler à 40 km/h, réponse A. 50 km/h, réponse B. 60 km/h, réponse C. 70 km/h, réponse D.